Glas zum Sturm aus Kapitol, präsente Name, ich bin zum Tod. Glaube, Liebe, Hoffnung, Krieg, Reichtum, Wollust, Macht und Sieg. Starber, Mater, Diktatur, Sündenfall im Paradies. Unterm Kreuze wird er stehen, Quelle, Liebe, Heilgetrieb. Left, right, stay in line, Voice of God and Cyanide. Links, rechts, Myoglin, Opus Dei, Cyanid. Sick of mind, sick of life, follow me in suicide. alive. God sent us. Thank you.

Salut, c'est Arkames de My Love Kills, et vous écoutez sans pleurs et sans reproches sur Galaxy Radio. with rhythm. Behind the door, you're in my eyes. Thank you. Daniel Meyer from Howjob and Architect, and you're listening to Sampler et son reproche on Galaxy FM. Thank you.